Ami humain, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative. Première partie. De l'habitude à l'existence. Le monde est absurde, dira Camus. Et pourtant le point de départ, l'évidence qu'il faut accepter, c'est autre chose, le fait que le monde est. Pourquoi donc ce monde, qui est tout simplement, est-il absurde? Parce que l'interroger, c'est se rendre compte qu'il est indifférent. C'est un univers de choses et non une demeure pour l'homme. Un univers étrange auquel l'homme est donc étranger. La question était une question de sens. La réponse en revanche est un vide qui devient éloquent. Dans l'expérience individuelle, l'absurde se manifeste comme une rupture de l'habitude. L'évidence quotidienne est tout à coup perçue comme insensée. Au sein de l'habitude, l'homme et le monde ne font qu'un, car le monde n'est pas posé comme problème. Mais lorsque l'interrogation fait irruption dans la vie, le monde, en tant que monde familier, s'écroule. Commencer à penser, c'est commencer d'être miné. L'enchantement se rompt. L'asile du monde devient l'exil du monde. Le monde nous échappe puisqu'il redevient lui-même, cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c'est l'absurde. Ce n'est pas tout. Une autre forme d'habitude et d'opacité consiste dans le fait de vivre sur l'avenir, demain, plus tard, quand tu auras une situation. Sur ce versant aussi, cependant, le sortilège se brise, et l'incessant, demain, prive l'aujourd'hui de son sens illusoire, car le lendemain du lendemain du lendemain, c'est le néant. Pas de finalité qui puisse donner un sens, mais la fin, le non-sens par excellence. La logique de l'avenir ne repose que sur d'admirables inconséquences, car enfin il s'agit de mourir. L'étrangeté du monde devient ainsi hostilité et horreur, dès lors qu'elle se présente comme la finitude du temps, dès lors que l'avenir se révèle n'être que la fin qui prive de sens toute prétention à trouver dans l'avenir le but d'un aujourd'hui sans cela insensé. Le monde n'est pas une demeure pour l'homme, aussi et surtout parce que sa temporalité n'est pas celle de l'existence humaine. Le temps des choses est inhumain, car il va toujours au-delà de l'existence. Cette prise de conscience, qui fait sortir de l'opacité et nous extrait de l'habitude, est en un sens inévitable. Tôt ou tard vient le moment de la question, du souci. Et, le simple souci, comme dit Heidegger, est à l'origine de tout. Fin de la première partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.